60 nanosecondes. Roman de Éric Simon. Texte dit par l'auteur. Chapitre 11. Daniel s'était démené pour obtenir un contrat à durée déterminée de 6 mois du CNRS pour Frédéric, dont le contrat de thèse prenait fin le 31 juillet. Il pouvait ainsi rester dans le groupe jusqu'à la fin janvier de l'année suivante. Ce fut une véritable bouée d'oxygène pour tout le monde. Dès qu'il eut terminé les quelques corrections qu'il devait apporter à son manuscrit, ainsi que l'ajout de la page de remerciement, Frédéric décida de retourner au Grand Sasso avec le reste du groupe. Il remerciait bien évidemment les rapporteurs de sa thèse ainsi que les autres membres du jury avec une mention particulière à Luigi, qui avait accepté d'en être le président. Frédéric évita de s'étendre en remerciements mielleux ou d'inclure des private jokes, comme on en voyait trop souvent dans de nombreux mémoires. Il remercia chaleureusement sa mère qui lui avait vraiment permis d'accomplir matériellement ses études supérieures jusqu'au master. Au moment de faire un dernier salut à ses condisciples du LP2HE dans cette page très personnelle, Frédéric avait beaucoup réfléchi à ce qu'il voulait écrire pour Christina. Il avait un instant songé à faire une citation globale, comme certains faisaient en écrivant une phrase du style « Un grand merci également à tous les doctorants, postdoctorants, ingénieurs et techniciens du LP2HE, trop nombreux pour être tous cités, ils se reconnaîtront. » Mais Christina devait être mentionnée spécialement malgré tout. Je tiens à remercier tout particulièrement Christina, qui m'a montré à quel point on pouvait aimer, et pas uniquement la physique des neutrinos. Frédéric n'avait plus mis les pieds au LNGS depuis bientôt un mois, depuis qu'il avait commencé à préparer sa soutenance. Il voulait maintenant à nouveau participer activement à la vérification de l'anomalie. C'est comme ça qu'il l'appelait, ce que Christina nommait la recherche de l'erreur. Depuis la soutenance, il ne s'était plus adressé la parole. La physique qui les avait unis 18 mois plus tôt, les déchirait en lambeaux. Ils n'avaient jamais franchi le pas d'habiter sous le même toit. Cela facilitait maintenant grandement les choses. Chacun vivait à nouveau chez lui, mais seul. C'est Christina qui fit le pas du non-retour, le soir de la soutenance. Elle était venue au pot de thèse, sans doute plus pour faire plaisir aux autres membres de l'équipe et essayer de montrer une équipe soudée, même si elle ne l'était pas. Elle avait beau se remémorer tous les bons moments qu'ils avaient passés ensemble, il lui avait montré cet après-midi-là, dans un huis clos, qu'il ne tenait pas à elle autant qu'elle pouvait encore tenir à lui. Ce soir-là, elle lui avait dit juste l'essentiel, qu'elle ne pouvait pas s'imaginer vivre avec quelqu'un qui ne parlait pas le même langage, la même science qu'elle. Elle parla d'intégrité, de science, en mettant oralement une majuscule au mot. Lui l'écouta, ne voulant rien laisser paraître. Il était amer. Il se disait qu'elle avait des raisons futiles. La vie et le boulot devaient être dissociés, c'était comme ça. La science n'était pas qu'une activité professionnelle pour Christina. C'était une façon de vivre, une façon d'être, une façon de penser et peut-être une façon d'aimer. Ils ne se comprenaient plus. Alors qu'ils avaient vécu des moments inoubliables depuis presque 2 ans, ils se découvraient tels qu'ils étaient vraiment. L'aveuglement du désir s'était estompé. Et Torre Majorana s'était dressé entre eux pour toujours, alors que c'était lui qui les avait rapprochés. Frédéric n'y pensait pas. Il ne voulait pas y penser, il savait qu'il avait raison, il savait qu'il avait dans les mains un potentiel incroyable de révolutionner le monde, de renverser le paradigme d'Einstein, il ne voulait pas le laisser passer, pour rien au monde, même pour ses yeux, même pour cette bouche, même pour cet esprit qu'il avait tant aimé. Quand il arriva à l'Aquila, devant le petit immeuble flambant neuf qui abritait les appartements des chercheurs de passage venus travailler au LNGS, Frédéric savait qu'il allait y rencontrer Christina. Elle était là pour 3 semaines consécutives, puis il devait repartir quelques jours dans sa famille près de Milan, avant de retourner à Orsay. Il devait se côtoyer durant 1 semaine et demie. Il lui avait apporté un exemplaire définitif de sa thèse. La task force continua son travail harassant et fastidieux de vérification durant les 2 mois de torpeur estivale. Du renfort était heureusement venu de Grenoble et d'Annecy. Christina habitait maintenant presque de manière continue à l'Aquila. Frédéric faisait des passages d'environ 1 semaine toutes les 3 semaines. C'était un peu moins que la moyenne des séjours des Parizzi, comme les appelaient les Italiens. Ils évitaient de se croiser le plus souvent. La frénésie qui animait les équipes françaises de symphonie laissait parfois perplexes les autres membres du consortium qui n'étaient pas au courant du problème. Le silence avait été bien respecté jusque-là. Même les physiciens de différentes origines travaillant sur d'autres manips du labo souterrain et qui côtoyaient les Français le matin ou le soir dans l'annexe de l'Aquila ou dans les omnibus avaient remarqué un comportement inhabituel. Les Français discutaient beaucoup moins qu'ils ne le faisaient avant le printemps. Une tension était palpable chez eux. Ils s'arrêtaient parfois de parler quand un membre d'une autre équipe de chercheurs passait à proximité. À la fin août, sans qu'aucun sous-système n'ait pu être mis en défaut, il était devenu intenable de garder plus longtemps le secret. Les physiciens français estimaient tous qu'ils étaient arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Il fallait prendre une décision au niveau de la collaboration dans son ensemble. Seul Luigi était au courant depuis le mois de mars. Il n'avait rien dit lors des deux réunions du board qui s'étaient tenues au printemps et au début de l'été. Daniel alla voir Luigi à Genève pour lui exposer son point de vue, qui était partagé par la totalité du groupe français, excepté Christina, qui semblait s'obstiner à chercher l'impossible. Tôt ou tard, quelqu'un parlerait et ferait fuiter le problème. Ils avaient tout vérifié, tout refait. Ils tournaient en rond comme des hamsters dans leurs roues, en revenant constamment au point de départ. Ils étaient tous à bout. Quelqu'un allait forcément craquer. Il avait peut-être raison, on était peut-être face à une extraordinaire anomalie. Luigi acquiesça sans dire un mot, l'air pensif. « Tu veux publier ?» Ce qu'il faudrait avant de clamer la découverte d'une anomalie, c'est demander à la communauté de refaire le même type d'expérience. Les Américains et les Japonais doivent pouvoir le faire. Et les Américains n'ont pas une bonne résolution temporelle, tu sais. Et les Japonais, il faudra peut-être plusieurs années. En tout cas, nous, on a tout regardé. Il faut mettre le problème sur la table. Il faut laisser les autres chercher à notre place. Chercher l'origine de l'erreur ou l'origine de l'anomalie ? Reprit Luigi. À eux de le dire. Au point où on en est, nous, on peut juste dire qu'on n'a pas trouvé d'erreur après avoir fait tant d'efforts. Alors, pourquoi pas ? Je suis d'accord. On va annoncer la nature du problème au board du consortium. Mais si tu veux écrire une publi là-dessus, il faudra y associer tout le monde. Donc le texte devra être bien pesé, pas trop dans un sens ni dans un autre, même si on penche plus d'un côté que d'un autre, hein. Et qu'est-ce que tu penses de faire une sorte d'annonce à grande audience ? Ce n'est quand même pas un résultat anodin. Luigi resta silencieux quelques secondes, puis lança. Tu verrais ça comment ? On pourrait présenter les résultats et toutes les vérifications effectuées, ça pourrait être fait ici, au CERN, dans l'auditorium, proposa Daniel, qui sentait Luigi de plus en plus réceptif. Ok, je suis d'accord pour qu'on propose ça au board. Au final, de toute façon, ce sont les groupes qui choisiront, de même que pour le texte de l'article. Daniel, tu peux en tout cas être sûr d'une chose, c'est que tu auras mon soutien. La réunion des 9 représentants des groupes de recherche constituant la collaboration Symfony dura 3 jours d'affilée. La mesure hors norme du groupe d'Orsay occupa très vite l'essentiel de l'ordre du jour, les autres points étant vite relégués à la rubrique des chiens écrasés. C'est Daniel qui déclina tout l'historique de ce qui avait été mesuré, comment cela avait été fait et comment ils avaient essayé par tous les moyens de trouver l'origine de ce qui paraissait dément, à défaut de susciter l'excitation d'avoir sous les yeux une révolution scientifique. Il parla durant 3 heures d'affilée. À l'issue de sa présentation, par moments extrêmement techniques, les questions fusèrent de toutes parts. Le plus souvent, la réponse s'avérait négative. Chacun essayait d'apporter une idée nouvelle, qui le plus souvent n'était pas du tout concluante car éliminée par une vérification annexe. Assez vite, il devint évident que ce n'était pas autour de cette table en une après-midi qu'on trouverait l'idée géniale pouvant expliquer l'erreur ou l'anomalie observée, alors qu'une vintaine de spécialistes réfléchissaient dessus depuis 7 mois. Il fallait prendre une décision. Communiquer ou pas ? Et comment ? Daniel proposa ce qu'il avait exposé à Luigi 10 jours plus tôt. Un article en préprint, détaillant tout, suivi juste après par une présentation à la communauté des physiciens des particules, mais qui resterait ouverte à tous ceux intéressés par le sujet. Ça pouvait faire du monde. Avant de prendre une quelconque décision, la plupart des porte-paroles des groupes du consortium demandèrent un instant de réflexion qu'ils utilisèrent avant tout pour sortir leur téléphone et raconter à leurs collaborateurs dans les différents labos impliqués ce qu'ils venaient d'entendre. Le choix fut entériné dans la soirée. On ferait un article co-signé par les membres de la collaboration, mais seulement après un vote de l'ensemble des personnels de tous les groupes, et pas uniquement les responsables du board. C'est Luigi qui proposa finalement cette solution inédite, au vu de l'absence de majorité franche pour communiquer sur le problème de la mesure de vitesse sous cette forme. Luigi estimait que les chercheurs, ingénieurs et techniciens de base étaient plus ouverts à la nouveauté que ne pouvaient l'être les responsables de groupes pour la plupart des ponts en devenir. En proposant un vote démocratique, il savait que la réponse serait positive. Elle le fut. Luigi insista pour que le séminaire soit agrémenté d'une retransmission vidéo sur le site du CERN. Certains membres du board avaient été réticents à cette idée, mais la majorité l'emporta tout de même aux deux tiers. Le papier devait être mis à disposition du public sur archive.org, le site de préprint préféré des physiciens, la veille au soir. Luigi avait été désigné naturellement en tant que directeur scientifique de toute la collaboration pour porter la parole du groupe français responsable de la mesure montrant cette nouvelle anomalie. L'annonce du séminaire serait annoncée par le CERN à destination de l'ensemble des grands médias scientifiques mondiaux. On pouvait s'attendre à voir du monde s'intéresser aux résultats, mais c'était le but. Il fallait trouver de l'aide, n'importe où, par n'importe quel moyen, pour trouver l'origine de cette mesure anormale. Le contenu de la présentation fut ensuite longuement discuté point par point, virgule par virgule. La réunion dura 2 jours, avec seulement des courtes pauses déjeuner au cours desquelles des discussions se poursuivaient de plus belle, pour se mettre d'accord sur la teneur du message à faire passer. Ce qui l'emporta était qu'il fallait garder un maximum d'humilité. L'annonce du résultat supraluminique devait être présentée comme une potentielle anomalie dont la cause avait été recherchée par tous les moyens accessibles, et un appel devait être lancé à toutes les expériences de mesure de neutrinos sur longue distance pour reproduire l'expérience. Le séminaire conférence de presse fut planifié pour le 23, jour de l'automne. Quand Daniel relata ce qui s'était décidé dans le board, Frédéric estima que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. On tournait vraiment en rond désormais. Rendre publique la problématique ne pouvait que permettre de faire avancer les choses dans un sens ou dans un autre. Bernard redoutait un peu comment serait prise la nouvelle par la communauté des physiciens, mais il savait au fond de lui qu'il ne pouvait pas faire autrement. Seule Christina semblait en profond désaccord. Sa réaction fut moins violente que ne le craignait Daniel. Elle avait compris que la grande majorité des membres de la collaboration avait décidé. Elle acceptait la décision prise démocratiquement. Mais pour elle, c'était beaucoup trop tôt. Elle ne comprenait pas pourquoi il fallait rendre publique la mesure maintenant. Pourquoi ne pas continuer par leurs propres moyens à chercher le problème? Pourquoi ne pas refaire entièrement la manip de A à Z en utilisant d'autres systèmes, après tout? Puis elle leur dit avec un ton quelque peu péremptoire: vous avez intérêt à ne pas lâcher l'affaire une fois que ça sera rendu public. En tout cas, moi, je ne le lâcherai jamais, je vous le dis. Christina savait se montrer teigneuse. Elle faisait parfois peur à Bernard. Tu veux dire que le séminaire va être retransmis en vidéo sur le site internet du CERN? Mais vous êtes cinglé! Vous allez raconter au monde entier que vous faites une mesure que vous ne comprenez pas et qui fait penser qu'on a des neutrinos supraluminiques? Retransmis en direct? Mais qui a eu cette idée stupide? Christina était furieuse lorsque Daniel précisa les détails de la publication de leurs travaux. « Écoute, Christina, tout le monde ne va pas venir au CERN. La communauté est étendue sur tous les continents. Le but est de toucher le maximum de personnes intéressées. »« Mais c'est trop important, tu ne comprends pas. Ça ne va pas intéresser que les physiciens des particules. On touche à une chose que tout le monde connaît, la vitesse de la lumière. Ça parle à monsieur tout le monde, pas seulement à nos collègues du Japon ou des États-Unis. » Les journalistes vont en faire l'écho, tu vas voir, ils vont en faire des tonnes. Je ne crois pas, reprit Daniel. Et puis on va faire connaître Symfony, ça ne peut être que bénéfique. Luigi pensait à ça aussi. Ah, c'est Luigi qui a eu cette idée géniale, voilà, je comprends. Remarque finalement, tiens, c'est pas plus mal. Comme ça, je n'aurais pas besoin d'aller à Genève pour voir ça. Christina avait trouvé le seul point positif, selon elle, d'une retransmission du séminaire en direct. Il fallait quand même qu'elle voie par elle-même ce qui serait dit et la réaction des physiciens du CERN. Et si elle pouvait le faire de son canapé, elle en était ravie. Elle n'avait aucune intention d'apparaître solidaire de ses collègues sur cette annonce.